Dossier 3. Deuxième partie. Un drôle de client. Le client est à table. Il tient la carte à la main. Corinne s'approche de lui avec le carnet de commandes. Vous avez choisi, monsieur. J'hésite. Il y a tellement de choses. Je peux vous conseiller si vous voulez. C'est-à-dire, je mange très peu le soir. J'ai des problèmes d'estomac, vous comprenez? Bien sûr. Vous pourriez commencer par une crème d'asperges. Oui, mais je ne digère pas les asperges. Bien. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une mousse de saumon aux herbes? C'est délicieux. Je ne tolère ni les asperges ni les herbes. Je préférerais prendre le plat de résistance directement. Si je mangeais trop, je serais malade, vous comprenez? Oui, à cause de votre estomac. Et je dors mal aussi. On pourrait vous faire une petite tisane à la fin du repas. Ça vous aiderait à dormir. Ah non! Pas de tisane, j'ai des problèmes de reins. Alors les tisanes, vous comprenez? Je comprends. Je vous laisse encore réfléchir. Pendant que vous choisissez, je vous apporte la carte des vins. Je ne bois que de l'eau. Ni apéritif, ni vin. L'alcool me donne des migraines, vous comprenez? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais... Mais que disent les médecins? Ils me donnent des médicaments. Ah. Dans la cuisine, Bernard est en train de couper des légumes. Corinne arrive et lui tend la commande. Steak grillé haricots verts. Ni entrée, ni fromage, ni dessert. Pas de pain et de l'eau. Ce n'est pas à toi qui avais peur que ma cuisine soit trop riche. Ah, le steak, bien cuit. Corinne et Bernard prennent congé du client. J'espère que la viande vous a plu. Peut-être un peu trop de beurre, mais cuite à point. Merci. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'aime beaucoup cet endroit. C'est très calme. Ce n'est pas comme avec l'ancien propriétaire. J'y suis venu une fois. Il y avait un monde. Et moi, le monde, je ne supporte pas. J'ai les nerfs fragiles, vous comprenez. Maintenant, c'est parfait. Bernard et Corinne se regardent, très surpris.